Et la plage, c'est fini. Oui, la plage, elle ferme. Et oui, c'est la dernière plage du Festival Archipel. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Caroline Profanter, compositrice et interprète. Son travail travaille oscille entre la composition acousmatique et la musique électroacoustique jouée en direct, en mettant l'accent sur les paysages sonores imaginaires et les récits sonores. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, tu as diffusé et spatialisé ta pièce Feedback Circuit Z3 hier soir sur l'acousmonium de la Meg ici au Festival Archipel. Comment ça a été? Très bien, oui. C'est un acousmonium particulier. Tu as un peu l'habitude de spatialiser sur des cas acousmoniums, tes pièces. Est-ce que tu as eu des sensations particulières hier? Alors, en fait, oui, j'ai l'habitude aussi déjà de spatialiser sur des grands acousmoniums parce que j'ai fait mes études en Belgique et il y a une compositrice qui s'appelle Annette van de Gorn qui a fondé l'association Influx Musique et Recherche et l'organisation a un acousmonium et un festival chaque année. Et en fait, cet acousmonium hier, il s'est ressemblé un peu à celui d'Annette. Et Thierry m'a raconté qu'en fait, il est aussi passé par, disons, l'école belge un peu. Et donc, il y a un peu la manière de les installer. C'était un peu similaire, mais naturellement, c'est à chaque fois différent. L'espace Théâtre Pitouef, c'est vraiment un très très chouette espace et il y avait beaucoup de haut-parleurs qui étaient installés en hauteur aussi, donc il y avait vraiment beaucoup de différents layers et aussi le public pouvait s'allonger, ce qui est naturellement très chouette, je pense, pour l'écoute. Et alors moi j'avais une question sur cette performance live auquel j'ai assisté et pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à être là. Et ça m'a questionné le registre de son que tu utilises, puisque le titre de ta pièce c'est Feedback Circuit Z3. Et donc moi, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une table en circuit fermé avec laquelle tu joues. Et en même temps, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des sons concrets avec lesquels tu travaillais. Il y avait quelque chose de l'ordre du paysage sonore. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors cette pièce s'appelle Feedback Circuit, justement. Et c'est une nouvelle version que j'ai faite pour ce festival, mais il existe différentes versions. Oui, j'utilise aussi le son des tables de mixage, donc un feedback mix, mais ils étaient enregistrés dans ces cas-là. C'était pas, donc j'ai beaucoup de sons aussi déjà enregistrés en studio qui viennent de feedback des machines de l'électronique interne et je les mélange avec les paysages sonores et aussi disons comme des sons électroniques du champ électromagnétique que je trouve dans le terrain et donc c'est une sorte de feedback aussi entre les rythmes internes des machines, de l'électricité et aussi les sons plus organiques, les biorhythmes, disons, qu'on trouve dans la nature. Et par rapport au son que tu as enregistré, j'avais un ressenti et j'ai retrouvé un peu la même chose dans ta biographie, que tu travailles beaucoup avec des sons du quotidien aussi et de quelque chose, des sons qui sont un peu connus, qui sont vécus par chacun et chacune. Donc peut-être que ça peut nous éclairer un peu, que tu nous dises ta démarche à cet endroit-là. Oui, en fait, j'ai beaucoup de sons justement issus comme ça du quotidien. Mais j'aime beaucoup aussi les sons qui sont un peu accidentels, qu'on trouve comme ça par hasard, soit dans le terrain. Parfois, j'enregistre même peut-être avec un GSM parce que je n'ai pas toujours mon enregistreur avec moi. Et par exemple, le feedback, justement, le son de feedback sont des sons très imprévisibles, un peu qui aussi peuvent surgir comme ça dans le studio tout d'un coup. Et ça, ça m'arrive souvent d'enregistrer des sons qui sont plus issus d'un accident et que j'ai, après, j'inclus dans la composition. Et un peu la démarche, c'est... Oui, la démarche acousmatique en général, c'est vraiment de partir du son même, donc d'un enregistrement qu'on aime bien, qu'on commence à analyser, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est ce son, c'est quoi son comportement, et puis au fur et à mesure, on compose avec et on crée un paysage plutôt, oui, c'est pour ça un paysage construit autour de ça. Et. Mais dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais aussi parler de ta pratique justement de prise de son? Donc, tu disais, tu commençais à évoquer le fait que des fois tu étais avec ton téléphone, mais donc comment ça se passe quand tu es vraiment avec ton enregistreur, tes machines et que tu pars faire de la prise de son? Est-ce qu'il y a des terrains qui t'intéressent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses que tu cherches à cet endroit-là? Oui, je cherche beaucoup le lieu où on ne comprend pas très bien c'est quoi. En fait, où il y a des sons, aussi souvent des sons de champs électromagnétiques, parce que bon, je me balade souvent avec un petit micro qui peut capter des sons qu'on n'entend pas normalement. Mais surtout dans l'espace urbain, il y a beaucoup de sons... issus de l'électricité, et ça m'intéresse beaucoup. Après, j'ai fait aussi des enregistrements avec un géophone. Un géophone, c'est un micro très sensible à des vibrations très très légères, comme ça qu'on peut trouver dans la terre aussi, ou dans la matière elle-même. Et aussi, oui, de sons ultrasoniques, qu'on peut capter aussi avec des microphones spécifiques. Oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est plus de lieux où, qui sont un peu comme des terrains vagues, en fait, où il y a une espèce de... où il y a quelque chose d'abandonné. Je sais pas, qu'il y a toujours des sons, mais on ne comprend pas très bien si c'est... Oui, si c'est habité ou pas, si c'est organique ou plutôt électronique. Donc, c'est un peu ces entre-deux. On t'a entendu avant une conversation avec Hildegard Westerkamp, et hier, tu as diffusé des pièces à elle. J'étais curieux de connaître votre relation. Est-ce que Hildegard est quelqu'un qui t'a inspiré, ou est-ce que tu l'as rencontré? Comment vous êtes arrivé à avoir une sorte de discussion, même à distance ou en réel? Oui, malheureusement, je n'ai jamais rencontré en personne, mais j'ai connu son travail depuis longtemps. J'ai fait aussi partie de conférences de World Soundscape Project, donc World Soundscape Forum, et dont elle faisait partie pendant longtemps. Et oui, elle m'a beaucoup inspirée aussi, justement sa manière d'enregistrer dans le terrain. Elle utilise beaucoup sa voix aussi pour un peu décrire qu'est-ce qu'elle est en train d'enregistrer ou entendre. Et aussi la notion de promenade sonore, donc le sound walking, qu'elle a vraiment, c'est pas qu'elle a inventé, mais elle a vraiment développé une pratique autour de la promenade sonore qui est très très riche et intéressante. Et oui, j'avais fait déjà une interview avec elle l'année passée pour la publication d'un livre qui s'appelle... Going Out, Walking, Sound Making and Listening. Et c'est un livre qui était issu de Umland Editions de KO2. KO2, c'est un laboratoire de musique expérimentale et art sonore où je travaille à Bruxelles. Et Elena Biserna, c'est une historienne de l'art qui a édité ce livre dont, où nous, on a participé aussi. Et pour ce livre, j'ai fait une interview avec Hildegard. Mais ça, c'était plus sur le sujet du sound walking, de sa pratique aussi autour de l'écologie sonore. Donc, ça, tu es intéressée aussi à cette idée de l'écologie sonore? Oui, oui. Est-ce que tu pourrais, moi, ça, je découvre un peu aussi cette association de mots, écologie sonore. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de qu'est-ce que c'est l'écologie sonore? Donc, en fait, c'est Acoustic Ecology. Donc, c'est vraiment un mouvement qui était né dans les années 70 à Vancouver, où Hildegard Westerkamp a commencé à faire... à travailler, à créer aussi ces émissions radio qu'elle a, en fait, elle a commencé dans la radio, elle a commencé à faire des émissions autour du sound walking dans une radio coopérative, Vancouver Co-op Radio, et elle a travaillé, elle a commencé à travailler dans le groupe World Soundscape Project avec d'autres compositeurs, et ce groupe a créé plusieurs a commencé avec plusieurs démarches, par exemple aussi la notion de soundscape, ça vient de ces groupes-là, donc la notion de paysage sonore, et aussi la notion d'acoustic ecology, ce qui est vraiment un champ maintenant de recherche autour de la conscience par rapport à notre environnement sonore, et donc vraiment aussi une sorte de démarche aussi, comme on dit, contre la pollution sonore et vraiment de penser vraiment à l'environnement sonore aussi dans le planning urbain et parce que naturellement commencer maintenant plus l'environnement sonore, ça peut être aussi quelque chose qui est pas bien pour la santé, je sais pas comment on dit, et donc ils ont fait vraiment beaucoup de démarches et je pense que ça a vraiment grandi et maintenant il y a beaucoup des universités aussi qui s'est dédiées à ces recherches là. Je me demandais quel était ton rapport, je sais pas comment dire, mais à la musique peut-être, parce qu'il y a quelque chose où vraiment tu vas aller travailler des sons justement qui sont des sons concrets, des sons de field recording de terrain, mais tu vas les déplacer, tu vas les transformer et tu vas les lier donc à tous ces sons électroniques. Et donc ça devient autre chose, on n'est pas dans l'écoute d'un paysage où quelque part le point de vue est créé par la personne avec son micro, mais il y a aussi tout un travail de transformation et quelque part... d'abstraction par rapport à ça. Est-ce que ça te parle ce que je dis ou c'est à côté? Est-ce que voilà? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est vraiment chercher, comme tu dis, l'abstraction. Mais oui, je pense que moi, j'essaie toujours de travailler avec les sons vraiment comme une matière, de ne pas rester trop collé à leur, disons, à l'image un peu trop photographique du son. Et parce que c'est vite, c'est très facile de, comment dire, de tomber un peu amoureux d'un son parce qu'on aime bien et on sait d'où ça vient parce qu'on l'a enregistré. Donc il y a vraiment un côté très affectif aussi par rapport à la mémoire et tout ça. Mais les auditeurs, les auditrices, ils savent pas ça. Donc j'essaie de ne pas trop rester dans ce piège d'être trop collé à la source. Mais en même temps, oui, je pense que c'est très musical. Les sons qu'on trouve dans le terrain, ils sont déjà en soi, parfois des compositions. Et on arrive doucement à la fin de l'interview, mais je me demandais quelle était la suite de tes projets, sur quoi tu travailles actuellement et quels sont un peu tes champs de recherche. Oui, alors j'ai aussi des projets collaboratifs avec d'autres musiciennes et c'est très très varié. Et donc ça va, oui, c'est toujours en parallèle en fait, mais je continue naturellement aussi ma pratique en tant que compositrice acousmatique. Je vais faire probablement une nouvelle pièce pour l'année prochaine en février. Et cette année, il y a encore des collaborations aussi avec deux ensembles de musique contemporaine, Et donc oui, je me réjouis qu'il y a... Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'aller travailler avec des ensembles de musique instrumentale. J'avais déjà fait 3 pièces, ou 4, je pense. Mais c'était toujours... il y avait beaucoup de temps entre les pièces, donc ce n'est pas une pratique totalement régulière pour moi, mais il y a des propositions, donc je suis toujours très enthousiaste quand les musiciens viennent vers moi et donc ouais. Et je vous laisse aussi découvrir sur le net le projet plus incongru de Caroline de musique de pop primitive avec le groupe Cassé, dans lequel vous pourrez l'entendre sur des autres vestiges de techniques sonores. Merci beaucoup, Caroline. Merci pour tout ça. Merci, ouais. Merci. Et c'est un grand moment, comme dernier jour, parce qu'on a la rencontre de Attila et Jérémy. Pour la première fois dans notre studio. On aura